Kanyangi. Samedi 4 mars, auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro, bonjour. Voici les grands titres de cette édition, mais vous voudrez bien nous excuser de ces 3 minutes de retard. Les pays les moins avancés ont été sévèrement touchés par l'incidence négative de la pandémie de COVID-19 à raison souvent de la fragilité des systèmes de prestations sanitaires ou des ressources limitées, entre autres financières. Le président burundais Evariste Ndayishimiye qui s'exprime depuis Doha au Qatar où il est allé ce vendredi 3 mars à participer à la 5e conférence internationale des pays de l'ONU ainsi que les pays les moins avancés. En province de Kayanza, on vous parlera d'une tonne et demie de wolframite qui ont été saisies ce vendredi soir et 2 personnes dont un Rwandais ont été arrêtées. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Innocent Diboniman. Isanganiro. Je vous l'annonçais en titre, le président burundais Evariste Ndayishimiye participe ce dimanche 5 mars à la 5e conférence internationale de l'ONU et les pays les moins avancés. Mais déjà ce samedi, et lors de son discours à Doha au Qatar, il a précisé que les pays les moins avancés, dont le Burundi, ont été touchés par le COVID-19 et une instabilité financière suivait. Les pays les moins avancés, dont le Burundi, qui est l'honneur de diriger depuis plus de 2 ans, n'ont pas été en mesure d'atteindre l'objectif fixé par le programme d'action d'Istanbul en matière de croissance économique. Dans l'ensemble, le nombre limité de progrès économiques observés dans les pays les moins avancés, en tant que groupe, était dû à plusieurs facteurs au niveau mondial, régional et national. Les pays les moins avancés ont été sévèrement touchés par l'incidence négative de la pandémie de COVID-19 à raison souvent de la fragilité des systèmes de prestations sanitaires ou des ressources limitées, entre autres financières. Ainsi, en plus des répercussions de la COVID-19, les changements climatiques et certains conflits politico-sécuritaires ont entraîné une détérioration de la situation concernant la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, le commerce mondial et la stabilité des marchés. Pour le Burundi particulièrement, cette situation a été aussi envenimée par des sanctions injustes imposées dans mon pays depuis 2015 jusqu'en 2020. En dépit de nombreux problèmes et contraintes auxquels ils font face, des pays moins avancés enferment des ressources humaines, culturelles et naturelles considérables, avec un grand potentiel de croissance économique, le bien-être des populations, la paix, la prospérité, ainsi que la sécurité alimentaire et énergétique. La multitude de gènes fait d'eux de véritables fers de lance du développement et des vecteurs d'un changement porteur de transformation. Dans son discours, le président burundais plaide pour l'inclusion des jeunes dans les programmes de développement des pays. Suivez-le encore une fois. Certaines situations économiques poussent nos jeunes à prendre la mer au péril de leur vie à la quête d'une vie meilleure. En ma qualité de chanteur de l'Union africaine pour le programme des jeunes, paix et sécurité en Afrique, dont sont ressortissants la plupart des pays les plus avancés, c'est le témoin que je porte à cette tribune, le plaidoyer de la jeunesse africaine qui ne demande rien d'autre qu'une meilleure inclusion. Considérons les jeunes comme une chance. Par ailleurs, les liens entre la jeunesse, la paix, la sécurité, la stabilité et le développement durable ne sont plus à démontrer. À titre d'exemple, en 2019, 24 des 46 pays les moins avancés étaient en proie à un conflit actif. Les ambitions de développement des jeunes inaudibles dans ces conditions. Les facteurs de croissance économique en outre, la hausse des investissements augmente de la production industrielle, l'augmentation de la production industriel, le commerce et le renforcement de la confiance des consommateurs ne sont productifs que dans des conditions de paix et de sécurité durable. Je m'en voudrais en qualité de président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est de ne pas aussi attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Le processus de paix de Nairobi et de Luanda pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo mérite d'être activement et rapidement soutenu. C'est en agissant ensemble que le peuple congolais pourra retrouver le souffle et aller droit aux activités de développement. Le président burundais qui s'exprime depuis Doha au Qatar où il participe au sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays les moins avancés ce samedi, un sommet qui précède le cinquième sommet de l'ONU sur les pays les moins avancés qui commence ce dimanche et va jusqu'au 9 mars de cette année. Une conférence qui a lieu tous les 10 ans et il s'agit de 46 pays les moins avancés dont 33 pays d'Afrique, 12 pays d'Asie Pacifique et Haïti. De place à la page politique à 13h04 dans le studio de la radio Isanganiro. L'incapacité technique de certaines institutions dans l'élaboration des projets conformes aux termes de référence de la Banque mondiale ou dans notre partenaire financier. L'une des explications de la faible absorption par le Burundi des financements octroyés, c'est du moins le point de vue du parti UPRONA. Honorable Olivier Nkurunziza, président de ce parti, trouve que c'est une honte pour le pays qu'il y ait une capacité d'absorption de 220 millions de dollars américains, comme l'a évoqué le ministre burundais des Finances jeudi lors de l'évaluation des activités de la Banque mondiale au Burundi sur 3 ans. 220 millions de dollars tombés en annulation. Ça, c'est une honte pour le Burundi. Alors, c'est la raison pour laquelle le parti Brona toujours demande au ministre de Finances, mais d'autres ministres, de toujours faire tout ce qu'il faut pour que le Burundi soit capable d'absorber les aides octroyées par Banque mondiale ou par d'autres institutions. Alors, dire que les 220 millions de dollars ont tombé en annulation, ce n'est pas la première fois. Et moi, je pense que d'abord, c'est l'incapacité technique des institutions incapables d'élaborer les projets conformes au TDR demandé par la Banque mondiale. Et là, ce que je demande, il faut chaque fois vérifier que les Burundais nous sommes capables d'élaborer ces projets. Ou de voir, dans la mesure du possible, que les exigences de Banque mondiale ne sont pas très rigides. Et si ça vient de la part de l'incapacité, il faut toujours renforcer la capacité technique des personnels chargés d'élaborer les projets afin de consommer ces aides. Et si les Burundais sont incapables, il faut même chercher les experts internationaux qui peuvent venir nous aider afin de consommer les aides. Sinon, c'est la honte pour le Burundi. Honorable Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA. Du côté du parti CNL, l'on estime que la priorisation du militantisme au détriment des compétences est l'un des facteurs de cette non-absorption des financements. Suivez honorable Agathon Rwasa, président du parti CNL. L'incapacité d'absorption des financements ou la faiblesse à pouvoir bien gérer peut provenir de plusieurs facteurs. Premièrement, si le pouvoir en place est réellement un pouvoir élu, il aurait été élu sur fond de programme à réaliser. Donc, avoir des financements et ne pas pouvoir les utiliser, c'est un pouvoir qui est sans programme. Ça peut être l'un des facteurs. Deuxième facteur qui pourrait justifier cette incapacité, c'est la priorisation du militantisme au détriment des compétences. Troisième probabilité, c'est que même s'il y aurait des personnalités compétentes dans l'appareil étatique, le manque de définition des priorités militerait à ce que son budget ne soit pas efficient. Comment est-ce qu'un pays comme le nôtre, qui a tellement de besoins, ne fût-ce que dans les infrastructures par exemple, qui a tant de défis dans l'éducation, dans le secteur de la santé, dans tous les secteurs, bref, il ne pourrait pas absorber un budget de plus ou moins 73 millions de dollars par an. Agathon Rwasa, président du parti CNL. Je vous l'annonçais en titre, une tonne et demie de minerais de type wolframite ont été saisis ce vendredi soir à la colline Manga, en commune Kabarole de la province Kayanza. Cette nuit, de vendredi à samedi, le gouverneur de cette province, colonel Rémi Chichaha, a informé que ces minerais allaient être commercialisés frauduleusement au Rwanda. Il appelle toutes les parties prenantes en matière de lutte contre la fraude de conjuguer les efforts pour cette autorité administrative. Regrette la libération des fraudeurs par la cour d'appel d'Ngozi. Le point avec Patrick Senguiyumva. Ces minerais de type wolframite d'une tonne et demie saisis à la colline Manga en commune Kabarole la nuit de ce vendredi à samedi ont une valeur estimée à 100 millions de nofra selon Rémi Chichaha, au gouverneur de la province Kayanza. Cette autorité administrative à Kayanza fait savoir que ces minerais qui sont extraits en province Muyinga et Kirundo, l'administration provinciale Kayanza détenait des informations qu'ils allaient passer par la province Kayanza en commune Kabarole pour aller être commercialisés frauduleusement au Rwanda, pays voisin. D'après la même source, deux personnes dont un Rwandais et un Burundais ainsi que la camionnette qui transportait ces minerais sont dans la main de la police judiciaire à Kayanza pour des enquêtes. Rémi Chichaha, le gouverneur de la province Kayanza, regrette que la fraude devienne de plus en plus monnaie courante, bien qu'elle fasse préjudice à l'économie nationale. Il appelle la population de la province Kayanza en particulier et celle d'autres provinces en général de conjuguer des efforts dans la lutte contre cette pratique. Et pourtant, cet administratif et provincial à Kayanza déplore que souvent des fraudeurs sont attrapés, sont traduits devant la justice et après être punis par le tribunal de grande instance de Kayanza, les mêmes fraudeurs saisissent des instances judiciaires du cour d'appel d'Ngozi et pas mal de ces fraudeurs sont libérés. Rémi Chichaha dit que cela découlage souvent les différentes parties prenantes en matière de la lutte contre la fraude. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganilo. Parlons sport à présent. Quatre équipes masculines et quatre équipes féminines s'affrontent ce samedi et dimanche dans le tournoi du lancement officiel du championnat national édition 2022-2023. Général de brigade de police Serge Nakavura, président de la Fédération burundaise de volleyball, précise que le championnat national de cette année sera organisé en respectant les normes internationales et sera clôturé au mois de juin. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakouman. C'est dans la chronologie en fait du championnat national qui va se dérouler donc durant la saison 2023-2024. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura le tournoi de lancement officiel de la saison, ce week-end du 4 au 5. Et les équipes qui étaient qualifiées pour les matchs finaux durant la saison qui vient de s'écouler, ce sont ces équipes qui vont s'affronter, en fait, qui vont s'exhiber pour en fait, le lancement officiel de la saison. Il y aura quatre équipes masculines et quatre équipes féminines. On va jouer sur les terrains appelés communément parquet. Et puis, la première et la deuxième équipe aura, la première aura 500 000 et une coupe, et la deuxième aura 250 000 chez les hommes que chez les femmes. Ben, c'est comme ça qu'on a organisé en fait, le tournoi. Et comment les équipes se sont préparées pour ce tournoi? Franchement, par là, jusqu'à présent, on ne peut pas dire comment les équipes se sont préparées. Parce qu'il y a eu des recrutements, comme vous le savez, à la fin de la saison qui vient de s'écouler, il y a eu des recrutements. Et maintenant, nous allons voir donc les nouvelles équipes, comment elles sont organisées. Voilà, c'est pour cette raison qu'avec donc, le match tournoi de lancement, on va évaluer en fait les équipes. Et quel appel pourriez-vous lancer aux amateurs? Je leur dirais donc de venir supporter leurs équipes, leurs enfants, et de donner leurs contributions en achetant les tickets, bien sûr, pour que quand même les joueurs puissent avoir le nécessaire pour la compétition. Les matchs qui ont été livrés ce samedi dans ce tournoi côté masculin, Rukinzo vient de battre Bissolo sur un score de 3-7 à 0. Au moment où côté féminin, la formation EGA s'est inclinée 3-7 à 0 face à la formation militaire de Muzinga. Pour le moment, l'équipe amicale joue contre Boone côté masculin, tandis que Gender Light Club croise le fer avec Panthère. Voilà. À 13h12 dans le studio de la radio Isanganiro, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Innocent Bibonimana qui a assuré la mise en onde tout de suite après cette édition. Vous suivez la revue de la presse. Mireille Kanyang. revue de la presse. Bonjour et bienvenue à tous. Nous ouvrons cette revue par l'hebdomadaire Iwachu qui parlait d'une économie burundaise mal en point par manque de devises. La monnaie burundaise connaît, selon notre confrère, une dépréciation inquiétante. On observe un grand écart entre le taux de change officiel et celui du marché parallèle. Dans un numéro sorti vendredi, une maison de change montrait que le dollar s'achetait à 3 850 francs burundais pour se vendre à 3 890 et que l'euro s'achète à 3 970 pour être vendu à 4 020 francs burundais. Cette dépréciation continuelle de la monnaie impacte les prix des produits et des services de base qui s'envolent aux grandes dames des consommateurs. Avec cette inflation, le pouvoir d'achat des ménages ne cesse de s'essioler. Selon les économistes, cette insuffisance de devises est liée d'une part à la structure de l'économie burundaise, très peu diversifiée et basée essentiellement sur l'agriculture, la baisse des aides extérieures liées au gel de la coopération par certains bailleurs de fonds. Ils proposent l'amélioration du climat des affaires pour attirer des investissements directs étrangers, la demande de la reprise des aides directes, une bonne exploitation industrielle des ressources, etc. Espérons que ceux qui nous gouvernent vont écouter et appliquer les propositions de ces experts, conclut l'hebdomadaire. Plus loin, des points de vue des politiques. Pour Gaspard Kobako, si la BRB croise les bras, c'est qu'elle ne voit pas le bout du tunnel. Kefani Bizi du parti Kodebou dira « La BRB ne peut pas réglementer les devises inexistantes et qu'elle n'a pas donné. » Et au vice-président du Frodebou, Léon Sengenakoumana, de dire, je cite, « Ce n'est pas la valeur du dollar qui monte, c'est la dévaluation de la monnaie burundaise. » Les femmes commerçantes de poissons sont dans la tourmente, écrit encore Iwachu. En effet, du 15 mai au 15 août 2023, les activités de pêche sur le lac Tanganyika seront suspendues dans tous les quatre pays qui partagent le lac Tanganyika, c'est-à-dire le Burundi, la Tanzanie, la République démocratique du Congo et la Zambie. Ces femmes demandent notamment que des mesures d'accompagnement dans la mise en œuvre de cette décision soient prises en vue d'appuyer tous les intervenants dans le secteur de la pêche regroupés en association. Il faut aussi qu'il y ait multiplication des chambres froides afin de conserver le poisson pour être vendu et consommé durant la période de suspension. Le renforcement de la pisciculture serait une autre alternative à la présence du poisson pour les consommateurs, soutient Iwachu. Revue de la presse. La stigmatisation liée à l'infertilité est un problème de santé publique selon l'agence burundaise de presse. La BP cite en effet Dr Janita Nermoul-Boujoun, psychiatre en République de Maurice, qui, lors de la formation des médias burundais sur la santé, organisée jeudi par la fondation Merck en partenariat avec la première dame Angeline Ndayishimiye, a fait une présentation sur la stigmatisation sociale et psychologique de l'infertilité. Elle renseigne que dans le monde, plus de 70 millions de couples souffrent d'infertilité. Les femmes stériles subissent des conséquences négatives de l'infécondité à un plus haut degré dans les pays en développement. À l'échelle mondiale, l'infécondité crée des problèmes pour les couples, en particulier pour les femmes qui sont généralement tenues responsables de l'infertilité du couple et souffrent du chagrin, de stigmatisation sociale et psychologique, de discrimination et de graves privations économiques. Le journal La Voix de l'enseignant écrit sur la suspension des mutations pour enseignants. Il revient sur la correspondance signée le 1er mars dernier, adressée aux directeurs provinciaux de l'éducation. Le ministre en charge de l'éducation nationale accuse les responsables scolaires de donner des sous-couverts par complaisance sur les lettres de mutation vers la mairie de Bujumbura ou vers d'autres centres urbains. Or, ces mêmes responsables ne cessent de réclamer le recrutement des enseignants en faveur de leur circonscription. Le ministre François Havzalimana informe les responsables à la base que son cabinet a déjà enregistré plus de 1500 demandes de mutation vers la mairie de Bujumbura et précise que tous prétendent se rapprocher des structures de soins ou de leur famille. Pour le ministre, le seul document prouvant que l'employé a des problèmes sérieux de santé est le rapport médical établi par une commission médicale mise en place par le ministre de la Santé publique dans ses attributions. Les sociétés EcoCash et Lumicash s'unissent pour mieux servir leurs clients, écrit l'agence Net Presse. le lancement du service de transfert d'argent interopérable d'argent mobile entre les deux sociétés a eu lieu le 2 mars selon l'agence en ligne. À travers cette union, les deux sociétés permettront à leurs clients d'échanger de l'argent entre eux. Le gouverneur de la BRB a profité de cette occasion pour annoncer que la société Sasaï FinTech, patronne de EcoCash, ne doit rien à l'État. Il a tranquillisé les utilisateurs d'EcoCash, informant que la banque suit de près l'argent des clients, tout comme elle fait pour les autres organisations monétaires. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et gardez l'écoute, nos programmes continuent. Revue de la presse.